dans le sang, je me prends en coup d'église. Je ne vais pas me craquer comme la France en coup d'église. Quoique là, je suis là l'épicerie. Whisky pour ce soir, bêtise pour l'après-midi. Je prémédite une moche qui t'est invitée au mi. Comment? Si t'as des copinons, passe les prendre. Comment? Dans les deux sens du terme, si c'est des tasses qui comptent. Dans le jardin, dans la cuisine ou dans la chambre. On n'en peut rien à foutre du moment qu'elle nous laisse le monde. C'est Ryder, c'est Sama. Ce terme c'est dangereux. C'est la ride ici bas. C'est bientôt dans ta banlieue. C'est Ryder, c'est Sama. Ce terme c'est dangereux. C'est la ride ici bas. C'est bientôt dans ta banlieue. C'est le 4-9-5. Ouais, ça il a session. Ouais, j'taille de toute façon. Prends la dalle de low rider. J'suis un vandal low rider. Dans ma tête, c'est la Californie. Mais m'arrêter, si tu veux, je t'en fournis. Chez moi, pas de moca, j'reste là avec sa marre. Aïe, j'ai éteisé. Souvent même fumé, souvent même détaspé. C'est nos seules occupations. On les classe avec passion. Ah ouais. J'imagine à Hollywood, avec mon Dickies. Et là, la jolie weed arrive. Mais même sur Long Beach, jamais côté une grosse bitch. J'suis chopé un hôtel, 6 étoiles se fonce des. Au champagne, et oui, je me vois bien dans la vie. Devant plein de en bikini, leur montrer mon kiki. Et ensuite les Kenny, voilà comment je définis la ride d'aujourd'hui. Du moment qu'il y ait des bitches que je pisse. Prends dans mes bras, un gars, l'emmener avec moi. Visiter sous mes bras, tu connais l'histoire, gars. Encore ce soir là, avec sa main, toujours fracasse. Toujours fracasse. C'est Waïda, c'est sa main. C'est Waïda, c'est sa main. Sur un air Westside, gars. Pour le 4-9-5. Pour le 4-9-5.